agité sur l'oreiller mouillé. L'ensemble. On fait rien qu'à rêver, très tiré de drap fripé. M'assier. L'ensemble. L'ensemble. Toujours à voyager, le pavillon hissé en voile de soie. L'ensemble. Le chat fait camionner. Et rien qu'à m'agacer. Sol, Morphée me tend les draps. L'ensemble. Les plans sur les comètes, si facile et si net. M'assied et ce sommier. L'ensemble. L'ensemble. Le ventilo qui brasse, m'en fous, je suis dans l'eau. Moi, poisson lune. L'ensemble. Insomnie bien finie, enfin je tombe. Comme moi, à sauter les étoiles, c'est le long sommeil.